Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, resurrect. Yeah, tech dans les couteaux. Pour faire un match, juste besoin d'un micro. Explicite, c'est promis. Puis même garanti, l'effet casse. Les risques seront servis. Objectif très précis, montrer un hip-hop uni, universel. Même si j'ai pas black, je représente sans copier. Pour une copie trop tard, sont déjà contaminés. Pour une copie, jamais trop tard. On a jusqu'à demain pour fêter. La défaite est dure à accepter. Mais jamais j'ai eu à confronter. Là, je respecte les vétérans, y'a pas besoin de challenge tout le monde pour prouver ton talent. Ça remarche cause d'or, que tout le monde d'accord. Là, t'es un spliff, réagis, n'est-ce pas script. C'est temps que ça bouge, il est encore mou avant que les pop finissent dans le rouge. Sacrément réveillé, vous verrez que le rap de rue va blow up sur votre nez. So shut up, nous on reste book pot off. Pas pour le coffre, si God m'entend. Qui répondent au plus crisp, parce que des jours que je me demande qu'est-ce que je fais ici. Je rappe encore, je me démène dans l'espoir de voir la haine s'envoler. Au moins je rappe, ça vaut la peine. Fait je m'en crisse que tu me dises. Même yo, je te félicite, ça prouve juste ma réussite. Facilite mes objectifs. Yo, facilite mes objectifs. Yo, yo, c'est notre shit. Essaye pas de comprendre, c'est notre shit. Va falloir t'apprendre, c'est notre shit. Oh man, qu'on fait des ravages, c'est notre shit. Watch out, je t'aime, c'est sauvage. C'est notre shit, yo. Pour rap d'ici, je te vestis, pas de vesti. Yo, j'suis pas si fini, sous le mic, j'brutalise. Ma devise, c'est que j'vise le top, mais reste ma propre. Dans ma façon de faire, va pas rapide comme l'éclair. Rien à dire, tout est clair. J'suis l'hip-hop, pas pour être connu, mais plutôt reconnu. Passé pour le mouvement, j'vois de l'avant, l'avant représentant. Point que des fois, y'a tout le temps, c'est pas du genre à se promener en rappant, en rappant. J'te lave comme du décapant, mes mots se déculent, jusque des phrases de mon inspiration. Ta vie en interruption, fuck, j'suis là pour rester. Ta hauteur, Resurrect va rester gravé. Toujours prêt à faire, parce qu'il y aura toujours des fakes. Frustré, pas sur autrui. Quand j'prends le mic, j'détruis. C'est radical, j'te réduis comme une racine corée. Sur place, j't'en racine corée. Tandis que t'essaies de freestyler. Mon style est gratuit, mes décibels sont crazy. Asti, au moins t'étais averti. Si t'aimes pas, paye sur stop, c'est fini. Parce que ta critique est aussi calme. Quand j'rappe, y'a autant bas, ça se pense brave. Mais les épreuves terminées, j'crois pas que tu t'es qualifié. C'est notre shit. On s'investit à 100%. C'est notre shit. On a ground dansant. C'est notre shit. C'est pas prêt au virage. C'est notre shit. J'te conseille de tourner la page. C'est notre shit. On s'investit à 100%, c'est notre shit. Underground dansant, c'est notre shit. C'est pas prêt au virage, c'est notre shit. Mais je te conseille de tourner la page, c'est notre shit. C'est notre shit.